Merci beaucoup, Jean. Ça a été très intéressant et aussi très, très, très instructif. Je voulais juste dire, nous, en tant que membres d'Amnesty, nous avons l'habitude depuis des années et des années, des décennies, je dirais, de défendre ce qu'on appelait les prisonniers d'opinion qui luttaient principalement contre des dictateurs, des régimes politiques, etc. Enfin, je dirais, c'était politique au premier sens du terme. Et maintenant, avec ce progrès de la technologie, nous assistons à une nouvelle forme de citoyenneté tout à fait pour nous, tout à fait donc auquel il faut s'adapter. Et donc on compte sur toi et sur beaucoup d'autres d'ailleurs pour justement adapter cette forme de résistance à nos luttes à Amnesty. Et c'est pas, je veux dire, il faut travailler là-dessus, c'est pas évident. Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai, c'est très important que la nouvelle forme de citoyenneté pose plein de questions. La nouvelle forme de militer, la nouvelle forme de s'organiser, parler plus aux jeunes aussi. Les jeunes sont totalement... Je le vois autour de moi. Je veux dire, vous avez tous des gens de 20 ans ou 15 ans ou 17 ans et tout. Ils ont l'impression parfois que, quand je leur raconte ça, ce que je vous raconte là, que je me fous de leur gueule. Ils disent, mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire compte tenu de ce que je tweete? Alors, je lui dis oui, compte tenu de ce que tu tweets toi, où tu vas parler, de la soirée de ta copine, mettons, bon, très bien. Mais à partir du moment où tu vas vouloir tweeter pour autre chose, Israël-Palestine, je prends cet exemple, puisque c'est un de mes centres d'intérêt dans la vie quotidienne. Donc évidemment, je tweete plus sur Israël-Palestine que sur les fêtes de mes copines. Bon, c'est mon droit de citoyen. Je ne fais absolument rien d'illégal en donnant mon opinion sur le conflit israélo-palestinien ou en faisant connaître à mon réseau social mes opinions ou des articles sur Israël-Palestine. Mais voyez bien le piège. Et là, ce message-là, il va être très compliqué à faire passer. Il est déjà très compliqué à faire passer. Puisque, en partie, nous sommes aussi victimes du discours technologique que je disais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dedans pour justement créer une nouvelle forme de citoyenneté, puisqu'en face de nous se crée une nouvelle forme de capitalisme et qui est basée sur la surveillance de masse. Vous avez tous lu George Orwell, vous voyez bien que le monde que voyait Orwell était un monde de surveillance de masse. Donc on y est quand même aujourd'hui. Différemment, évidemment, mais c'est quand même ça qui se passe. Quand on voit dans les James Bond les grands méchants qui avaient compris qu'il fallait contrôler les réseaux pour contrôler le monde, alors je dis pas que le patron de Google ou que le patron de Free ou que le patron est un grand méchant. Je dis simplement que ce patron-là, il a tout intérêt à défendre le capitalisme. Et si c'est pour défendre le capitalisme, il faut écouter Evelyne, Anne et Jean Stern. Il écoutera Evelyne, Anne et Jean Stern et peut-être quelques autres dans cette pièce. Voilà. Avec la complicité de son ami Xavier Niel, qui est le patron de son équivalent en France. Voilà où on en est aujourd'hui. Et on a d'autant plus de mal à convaincre même des gens très proches avec effectivement des choses comme Facebook. Où, bon, c'est vrai que tout le monde, ou les trois quarts des gens qu'on connaît, sont sur Facebook et disent voilà quoi, on est sur Facebook, on donne les photos de vacances, les photos de famille. Enfin, bon. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte du tout de la dangerosité de ce genre de choses. Il est arrivé sur Facebook un événement historique absolument phénoménal au mois d'août 2015, donc tout récemment. Il y a eu un jour, je ne me souviens plus quel jour, le 22 août ou le 14 août, j'en sais rien, où il y a eu la moitié de la population mondiale qui a posté un truc ou qui s'exprimait sur Facebook ce jour-là. Donc ça veut dire que dans cette pièce, la moitié des gens, le 15 août, ont fait quelque chose sur Facebook d'une manière ou d'une autre. Ne serait-ce que liker la photo de ta petite fille ou ton petit cousin ou le mariage de ta cousine. Enfin, mais tu as fait quelque chose. Donc c'est évidemment quelque chose de considérable. Vous avez parlé à un moment des objectifs de la NSA. A priori, deux objectifs, donc si j'ai bien écouté, surveillance de masse et préparation de la cyberguerre. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette notion de cyberguerre, qui pour moi n'est pas très, très claire ? Merci. Oui, c'est à propos de la surveillance de masse et des objectifs avoués. Est-ce qu'on a une idée ? Il y a eu un article dans Le Crieur cet été sur les résultats aux États-Unis, la protection contre des actes terroristes. Concrètement, quel a été le résultat ? D'autre part, on parle donc nouvellement des lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il n'y a pas un danger si on se focalise trop sur le lanceur d'alerte ? Je crois que ça déplace un petit peu la question. Le problème principal, c'est bien évidemment la liberté d'expression. Un lanceur d'alerte, avant d'avoir son alerte, il a enquêté. Enfin, même si ça lui est tombé du ciel, il y a un processus en cours qui risque d'être interdit alors qu'on protège un lanceur d'alerte alors qu'il n'aura plus de munitions. Bien sûr. La cyberguerre, c'est très simple, en fait. C'est la guerre que tu vas mener sur les réseaux informatiques, les réseaux numériques. Cette cyberguerre, elle va s'appuyer sur deux choses. Détruire les instruments de l'ennemi, supposé, c'est-à-dire principalement attaquer ses serveurs et ses réseaux, intercepter ses communications et détruire, si possible, tous les systèmes de pilotage des armes modernes qui sont eux-mêmes gérés de manière informatique. Tu as plusieurs manières de faire la cyberguerre. Aujourd'hui, la première manière et la plus radicale, c'est d'introduire ce qu'on appelle un virus informatique qui va détruire les armes des ennemis. La deuxième manière, c'est de créer, qui est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus efficace, créer ce qui s'appelle des sites miroirs. C'est-à-dire que derrière un site, tu vas avoir un autre site, puis un autre site, puis un autre site. C'est-à-dire que l'utilisateur lui-même, mettons, je veux dire le gouvernement iranien, par exemple, ne saura plus où est son programme de pilotage de ses centres de production, non pas nucléaire, mais d'uranium enrichi pour éventuellement alimenter des centrales civiles, pour être très précis. Donc voilà ce que tu peux faire. Troisième truc, évidemment, qui est lui beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple, d'où la parano totale, quand je vous dis il y a deux serveurs en France, on le sait, mais on ne sait pas où ils sont, c'est s'attaquer aux serveurs. C'est-à-dire, on n'imagine pas à quel point, vous n'imaginez pas à quel point tout ça est extrêmement fragile en réalité. Sur quoi se repose Internet aujourd'hui ? Internet, Snowden l'a très très bien raconté, il le raconte encore très bien dans, je crois, Citizen 4 ou à un autre moment. Le web aujourd'hui repose sur une technologie qui a été mise au point pour envoyer le télégraphe au milieu du 19e siècle, qui sont les câbles sous-marins. Toutes les données, toutes les informations partent des câbles sous-marins qui relient l'Europe aux États-Unis, les États-Unis à l'Asie, etc., etc. Ces câbles sous-marins sont d'une fragilité extrême. Alors, ils sont soumis à une double fragilité aujourd'hui. La première fragilité, c'est une fragilité climatique. Hein, les débordements actuels et les incertitudes climatiques font qu'il peut y avoir des nouvelles menaces sur ces infrastructures. Le tsunami de 2006 en Asie a entraîné pendant une semaine l'impossibilité pour tous les citoyens de cette partie du monde, c'est-à-dire à peu près 1,5 milliard de personnes quand même, la possibilité d'utiliser sa carte bleue. Hein. Les systèmes de données interbancaires ont été bloqués à cause des dommages provoqués par le tsunami au câblage sous-marin. Mais du coup, ça rend la possibilité d'une attaque terroriste contre un cap sous-marin extrêmement simple aujourd'hui. Alors, on a renforcé ces dernières années la sécurité des câbles, on les a doublés, on les a même triplés, etc., etc., notamment les câbles entre l'Europe et les États-Unis. Mais enfin, c'est une fragilité qui est quand même très forte. Troisième fragilité encore plus forte, c'est les serveurs. Je vais aller détruire les serveurs de l'ennemi. Et pour détruire les serveurs de l'ennemi, le truc, c'est que je peux aller les bombarder, ça c'est la méthode classique, mais je peux surtout introduire un virus informatique ou tout simplement leur couper l'électricité. Donc, pourquoi ? Si je leur coupe l'électricité, vous savez peut-être, vous êtes allés tous ou peut-être avez vu des salles informatiques, il faut les refroidir, les salles informatiques. Et donc, si je ne refroidis pas, les serveurs, donc sans électricité, plus de serveurs. Et donc, je peux aussi, en privant de ressources énergétiques, ce qui veut dire en clair qu'aujourd'hui, à la fois les géants du web deviennent ou cherchent à devenir des producteurs d'électricité. C'est le cas d'Apple, c'est le cas de Google. C'est le cas de Facebook. Ils s'intéressent tous les trois aux questions énergétiques parce que, évidemment, plus ils vont produire de l'électricité eux-mêmes, plus ils seront sécurisés. Donc, si Apple, Google et Facebook le font, j'imagine que le gouvernement américain le fait également. Et deux, je vais disséminer et doubler le plus possible mes serveurs. D'où, évidemment, des serveurs utilisés et installés un peu partout dans le monde, dans des endroits le plus possible éloignés des populations. Or, j'ai deux zones où il n'y a pas beaucoup de population aujourd'hui dans le monde. Évidemment, le pôle Nord. Alors, le pôle Nord a un énorme avantage, c'est qu'il fait froid, mais il a un énorme désavantage, c'est qu'on n'y produit pas beaucoup d'énergie. Donc, il faut que je fasse venir l'énergie d'ailleurs, ou que je construise dans le pôle Nord des systèmes d'éoliennes, pour profiter, évidemment, non pas de la lumière, puisque je suis au pôle Nord, mais du vent. Et puis, l'Afrique. Il y a énormément de centres serveurs qui sont installés en Afrique, puisque là, j'ai la possibilité, évidemment, de produire de l'énergie avec le solaire. Et donc, je vais favoriser ça. Ce concept de cyberguerre, quel est exactement, si vous voulez, sa portée. Bah, elle est considérable aujourd'hui. Hein. Les cyberattaques sont toutes puissantes, et le plus inquiétant, c'est que de simples citoyens un peu doués peuvent mener des cyberattaques. Hein, vous avez vu au moment de Gaza, Ulkan, ce jeune franco-israélien installé à Ashdod, qui a fait tomber, au sens propre du terme, les sites de Rue 89 et puis de je ne sais plus qui d'autre, enfin de plein de plusieurs médias, etc., par attaque. Hein, il a fait aussi tabasser plusieurs journalistes. Et il a entraîné Pierre Stamboul, qui n'est pas un journaliste, le malheureux. Pierre Stamboul, c'est le président d'une association juive, Union juive française pour la paix, UJFP. Il était à Marseille, il vit à Marseille, c'est un Marseillais, avec sa copine qui s'appelle Rachel. Et un matin, les flics débarquent chez lui à 2h du matin, devant tous les voisins, dans sa maison de Marseille, et ils disent « Salopard, t'as tué ta femme ». Oui. Et il le menotte, etc., en caleçon, puisqu'il était 2h du matin, donc le malheureux garçon dormait, mais sous les yeux de sa femme, qui dit « C'est moi, je suis Rachel, donc il ne m'a pas tué, puisque... » Bah, il est quand même allé au commissariat, ils l'ont embarqué pour vérification, comme on dit. Ça a duré jusqu'à midi, la plaisanterie. Hein. Devant, à 2h du matin, vous voyez le GIGN qui débarque à Marseille, dans les petites rues, il habite vers la Bonne Mère, là-haut, des petits trucs, dans les petites rues, quoi. Ça fait quand même du bruit. Donc ça, c'était Ulkan. Donc ça, c'est presque rigolo. Mais, enfin, c'est tragique pour Pierre. C'est... quand on n'y est pas, oui, c'est tragique pour Pierre. Mais c'est pas de la cyberguerre exactement, si vous voulez. Par contre, oui, les attaques de sites, faire tomber des sites en rideau, ça, c'est de la cyberguerre. Et la fragilité globale du système est quand même très importante. Alors, quels sont les enjeux de la cyberguerre aujourd'hui? Les enjeux de la cyberguerre consisteraient à s'en prendre, évidemment, à des puissances qui ont besoin de la technologie pour exister ou qui reposent de plus en plus sur la technologie. De ce point de vue-là, les points faibles, c'est incontestablement Israël, qui est un pays très puissant technologiquement, donc qui peut subir des attaques compte tenu de sa puissance technologique. Évidemment, les États-Unis, beaucoup moins les pays européens, qui sont à la fois plus à la traîne sur l'innovation technologique. L'innovation technologique, aujourd'hui, elle se fait principalement aux États-Unis et en Israël. La recherche technologique se fait principalement aux États-Unis et en Israël. Donc là, l'Europe est un petit peu à la traîne. Donc nous pourrions subir des cyberattaques. On en a subi, d'ailleurs. Hein, Le Snowden a révélé des cyberattaques de la Chine, a révélé aussi des cyberattaques de la NSA contre d'ailleurs la France, qui avait permis à la NSA de pénétrer à l'intérieur du système de messagerie du Quai d'Orsay. Donc c'est quand même pas, c'était pas le truc le plus secret, mais enfin bon, les petits messages que c'était le Quai d'Orsay, il y avait. Donc est-ce que la perspective de la cyberguerre est là? Je ferai exercer mon droit de réserve, j'en sais rien. Bien malin qui te le dira, tu vois. Donc, tout est possible, évidemment. Ce qu'on peut être sûr aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'en tout cas, les réseaux sont les grandes fragilités du web. Et que donc, tous les efforts des gouvernements sur la question des cyberguerres portent sur le renforcement des réseaux, et notamment des câbles sous-marins. La deuxième question que vous nous avez posée est très bonne et je ne pourrais pas y répondre malheureusement parce que nous n'avons pas de données sur la question. C'est-à-dire, est-ce que les effets de la loi ont permis d'arrêter des terroristes ou pas? J'avais cru comprendre qu'il y avait eu des commissions d'enquête aux États-Unis qui avaient étudié justement le sujet et on était arrivé à la conclusion qu'on avait arrêté un citoyen américain qui avait donné quelques milliers de dollars à un groupement en Somalie. Et c'était la seule chose qui aurait été démontrée par le réseau de surveillance. Ce qui fait que le résultat est quasiment zéro. Je ne connaissais pas ce que vous dites là, mais c'est... En tout cas, ce que je peux vous dire, donc ça confirme ce que vous dites vous, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas entendu parler d'arrestations majeures de terroristes en raison de la cybersurveillance. Hein. Aux États-Unis, est-ce que ça sert à rien ou pas? Quel est le but? C'est plutôt comme ça que je poserai la question. Quel est le but? On voit bien que, par exemple, il y a une histoire qui est vraiment très intéressante, au fond, sur les méthodes de surveillance, puisqu'ils disent, c'est l'affaire Tarnac. Hein. L'affaire Tarnac, on verra au moment du procès ce qu'elle va donner. Mais on voit bien que là, c'est des gens qui ont été très surveillés par l'État, massivement, pendant des mois et des mois et des mois, et contre la plupart des gens du groupe Tarnac, le gouvernement n'a rien d'autre à reprocher qu'une position politique et morale, qu'on peut discuter, évidemment, du groupe Tarnac. Hein. Donc, on n'a pas réussi pour l'instant. Alors, il faut être prudent, parce qu'en même temps, on ne sait pas tout, puisque, évidemment, on ne nous dit rien. Donc, par exemple, comment les Américains arrivent à tuer à peu près quotidiennement maintenant, pendant des années au Pakistan et maintenant en Syrie, des gens que les États-Unis considèrent comme étant des terroristes, via les drones. Est-ce que ces gens-là sont interceptés via leur communication mail, via leur page Facebook? Très probablement pas. Enfin, je suis un terroriste d'origine britannique au Pakistan ou en Syrie. Je ne vais pas poster la photo sur ma page Facebook avec la géolocalisation. Bon, mais voilà. On a vu quand même cette semaine que le gouvernement britannique avait annoncé qu'il ciblerait une quinzaine de citoyens britanniques en Syrie pour les exécuter. Ce qui veut dire en clair que le gouvernement britannique a rétabli sans aucun débat parlementaire la peine de mort en Grande-Bretagne. Hein ? Si on a la preuve, parce que je crains que ni vous ni moi ne puissions avoir la preuve, si on a la preuve que c'est bien un drone britannique qui aura tué monsieur Machin ou monsieur Bidule. Ou madame, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des femmes dans les rangs. Donc, voilà où on en est. Donc, ce que vous dites est très juste. L'objectif central, mais qui était déjà, hein, donc c'est une histoire que malheureusement on connaît bien, qui était déjà l'objectif central du Patriot Act après 2001 aux États-Unis, n'ont pas produit les résultats escomptés. Le Patriot Act n'a fait que donner les moyens et le cadre juridique global, je dis bien global, parce que dans le détail, c'est plutôt les mesures de 2008, qui ont permis à la NSA d'une petite agence de devenir la puissance qu'elle est aujourd'hui. La puissance qu'elle est aujourd'hui, en termes y compris budgétaires, puisqu'aujourd'hui, le budget de la NSA est supérieur au budget de la CIA. Hein ? Donc, on voit bien que cette question de la surveillance, elle est un peu centrale. Alors, en même temps, il y a des missions qui, autrefois, étaient des missions dévolues à la CIA, de surveillance, etc. Mais ces missions-là de la NSA nécessite des moyens que le gouvernement américain aujourd'hui donne. Donc les résultats, est-ce que c'est ces drones au Pakistan qui tuent des personnes ciblées, ces drones qui tuent des personnes ciblées en Syrie aujourd'hui, ces drones qui ont tué des personnes ciblées à Gaza par le gouvernement israélien, là encore en dehors de tout cadre légal, avec un gouvernement israélien qui a théoriquement abolit la peine de mort, sauf pour ce qu'ils appellent les crimes de haute trahison, c'est-à-dire en principe trahison à l'État. Troisième question que vous m'avez posée, c'était les lanceurs d'alerte et la liberté d'expression. Mais j'ai un peu oublié la question, on va dire. C'était vous, allez-y. Je me posais la question de savoir si on insiste autant sur les lanceurs d'alerte, qui est une problématique assez nouvelle, est-ce que ce n'est pas au détriment de la liberté d'expression, la liberté d'enquêter ? Ben, vous avez... oui et non. Ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut les défendre. Il faut les défendre parce que leur isolement est quand même quelque chose de grave pour nos démocraties. Le fait que Manning, le soldat Manning, soit en prison aux États-Unis pour 35 ans est quand même quelque chose de scandaleux. Puisqu'au fond, cette personne n'a fait que révéler ce qui était les bases de mensonge d'État. Maintenant, vous avez raison. Mon sentiment à moi est que si les lanceurs d'alerte ont été les moteurs et seront encore les moteurs des intérêts de ce que j'appelle ce nouveau capitalisme, malgré tout, la liberté d'expression est ce qui est le plus en danger aujourd'hui. Et le côté dramatique, c'est qu'elle est en danger ici, là, chez nous, en France, immédiatement. Et que donc là, moi je suis quand même stupéfait, hein, je vous le dis, donc je suis venu ici pour ça aussi, je suis quand même stupéfait de l'apathie, je dirais, de l'opinion publique, de mes confrères journalistes, face à toutes ces questions-là. Alors Anne l'a dit au début, c'est des questions compliquées qui posent la question de ces nouvelles formes de citoyenneté, de comment s'organiser, de comment riposter, de comment agir, de comment appréhender les réalités, etc. Et tout ça, c'est extrêmement complexe, mais néanmoins, je pense que réellement la liberté d'expression est aujourd'hui menacée en France, mais je le pense depuis plusieurs années et pour d'autres raisons. Simplement, cette affaire de la NSA, si vous voulez, je ne suis pas du tout paranoïaque comme garçon en principe, dans la vie, on va dire, je suis même plutôt quelqu'un d'optimiste, mais néanmoins, pour moi, qui depuis, dans ma vie professionnelle, disons, ai assisté à la perte d'indépendance des journaux, c'est-à-dire au fait que jusqu'à présent, quand mes premières années de carrière, quand on discutait, c'était avec des collègues de travail, avec d'autres journalistes, et Dieu sait si j'ai pu m'engueuler, si à Libé on a pu s'engueuler les uns avec les autres et tout. Aujourd'hui, je discute au mieux avec des banquiers, au pire avec des avocats. Hein ? Pourquoi ? Parce que je discute avec des banquiers qui sont mes actionnaires et qui vont me dire. Je ne vais pas dépenser 2000 euros pour te payer 3 semaines d'enquête sur un sujet qui risquerait de me mettre en difficulté. Hein ? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et les avocats ? Parce que les avocats vont me dire « Oh là là, pouf, attention, tu veux faire une enquête, je ne sais plus où c'était l'histoire de... C'était pas l'Azerbaïdjan C'était l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, tu veux faire une enquête sur l'Azerbaïdjan, mais tu n'as pas les preuves. Et c'est vrai que tout souvent, c'est difficile d'avoir les preuves formelles. Et donc, tu vas pas faire l'enquête, parce que comme ça, ça m'évitera éventuellement derrière d'avoir à plaider. Et donc, je vais te menacer. Je vais vous raconter une petite anecdote qui a à voir avec cette page-là. Voilà. Et je parle donc du journal d'Amnesty International, que je suis extrêmement fier de diriger, mais enfin qui est diffusé à 30 000 exemplaires, et je parle de cette interview de Stéphanie Gibault. Hein ? Stéphanie Gibault, lanceuse d'alerte de la banque UBS sur le plan fiscal, qui a fait un livre, et l'interview fait par mon journaliste reprend des choses qui ont déjà été publiées dans un livre. Le journal sort, donc ça c'était en février, début février. 2 jours après, mon patron, le directeur général d'Amnesty, reçoit une lettre commandée de l'avocat du BS demandant la publication d'un droit de réponse. Évidemment, le pauvre Stéphane, il est au courant de rien, enfin des détails et tout, il vient me voir et il me dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pas ce droit de réponse ?» J'ai dit « Stéphane, je ne passerai pas ce droit de réponse parce qu'il est illégitime. » Il n'a pas de raison d'être, puisqu'il n'y a pas de diffamation, il n'y a pas ATEC, et tous les faits qu'elle a dit dans mon journal sont déjà dits ailleurs. Je raccroche, Stéphane dit « Ok, tiens-moi au courant, bon, très bien, etc. » Je raccroche, l'avocat m'appelle. L'avocat qui venait de m'envoyer le courrier recommandé m'appelle. Me dit « Monsieur Stern, etc., ravi de vous parler, quand est-ce que vous allez publier le droit de réponse ?» Je dis, cher maître, je sais pas à moi de vous répondre, donc contactez l'avocat d'Amnesty, mais moi, je ne le publierai pas. Donc j'écouterai les conseils de mon avocat. Si mon avocat me dit de le publier, je le publierai, mais ça m'étonnerait que mon avocat me dise de le publier, parce que votre droit de réponse n'est pas fondé. Mais monsieur Stern, etc. Le lendemain, seconde lettre commandée. 8 jours pour publier le droit de réponse sur le net, sur le site internet d'Amnesty. 8 jours. 8 jours. Là, Stéphane, qui reçoit la lettre commandée sur mon patron, dit quand même, ce genre Stern commence à me faire chier, une lettre commandée tous les jours. Mais vous rigolez, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est évidemment comme ça que ça se passe. Et un quart d'heure après, ça je vous jure que c'est vrai, coup de téléphone, alors, j'ai oublié le nom, donc on va l'appeler Mireille Dumas, peu importe, ou Mireille Dupont, puisque Mireille Dumas, ça fait... Mireille Dupont m'appelle, je suis de l'agence Dupont et compagnie, chargée de la communication de la banque UDS. Mon patron veut vous parler. Alors, je lui dis, ben avec joie. Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Il veut me raconter comment UBS a frosé le fisc ? Il veut m'expliquer. Ah non, non, non, mais c'est pour le droit de réponse. Elle me dit, on en fait une question de principe. Alors, je dis, mais madame, faites-en une question de principe. Moi aussi, j'en fais une question de principe. Ça tombe bien. Donc, la loi exige qu'on vous paye un droit de réponse. Je lui dis, écoutez, je ne vais pas vous faire un cours de droit. Vous avez un avocat, j'ai un avocat. Donc, on va laisser nos avocats se parler. Et moi, je suis tout prêt à rencontrer votre patron et à discuter avec lui. Mais le jour même, l'avocat d'Amnesty faisait un courrier à l'avocat de UBS pour dire, cher maître, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Et avec des arguments, évidemment, juridiques. Donc ils ont laissé tomber la procédure judiciaire et en même temps, ils ont laissé tomber l'invitation à discuter, hein, puisque ça n'avait plus d'intérêt. Voilà. Je me suis mis après, parce que j'ai été quand même très frappé malgré tout, alors c'est pas du tout interne Amnesty ce que je dis, mais parce que ça nous est arrivé, ça m'est arrivé dans d'autres journaux, à la Tribune principalement, où on ne publiait pas les choses, précisément parce que les avocats nous le déconseillaient. Et je me suis dit, ça veut dire que cette pression, Amnesty est une organisation modeste d'un point de vue financier. Hein, je n'aurais pas pu mettre en danger Stéphane si ils avaient voulu poursuivre et aller jusqu'à une procédure. Parce que ça aurait coûté de l'argent à Amnesty. Bon, là, c'est l'avocat qui a fait un courrier, ça a peut-être coûté 200 euros ou 250 euros. Ça n'est pas allé au-delà d'un courrier d'avocat. Mais voyez bien comment on peut détruire la capacité d'un petit journal à publier une interview d'une lanceuse d'alerte avec des menaces en lettres commandées à mon patron. Voilà. Donc ça, cette liberté d'informer, cette liberté d'expression, oui, c'est tous les jours. C'est tous les jours parce que c'est partout. Alors, c'est sur tous les sujets, évidemment. C'est principalement quand même sur ce qui nous inquiète le plus, c'est-à-dire ces concepts un peu flous que définit la loi sur le renseignement intérieur. C'est vrai que moi, les intérêts de la France, les intérêts de la diplomatie française, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et alors là, les amis du diplôme comme ceux d'Amnesty, vous ne savez pas non plus ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France. On adore la France. C'est pas ça, hein. Mais le fait d'être en désaccord avec tel ou tel aspect de la politique internationale, pensez simplement aux militants qui avaient signé l'appel des 121 en 1961. On les jetait en prison, ces gens-là. On les surveillait massivement. Alors qu'en fait, il fallait plutôt les protéger. Vous vous souvenez des bombes chez Sartre, chez Vidal-Naquet, chez quelques autres à l'époque, hein. C'est simplement sur le... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le droit des affaires, au niveau juridique... envahit un peu trop. Je crois qu'il y a une loi récente qui a été un peu retoquée sur le et aussi l'aspect de, justement à l'intérieur du droit des affaires des employés des entreprises privées. Quels sont leurs pouvoirs face à leur hiérarchie de dénoncer à l'extérieur? Je pense qu'ils sont très bloqués par leur contrat, leur déontologie et tout cela. Bien sûr. Alors. Sur le droit des affaires, c'est extrêmement intéressant, puisqu'en fait, les dispositions sur les secrets des affaires étaient une partie des dispositions de la loi Macron. Hein, loi Macron, dont l'intitulé exact était « Loi de modernisation de l'économie française ». Alors, on peut l'interpréter de différentes manières, cette loi Macron, mais pour moi, et pour beaucoup de gens, hein, c'est essentiellement quand même une loi qui organise une certaine forme de régression sociale. Sur le secret des affaires, c'est très intéressant, parce que dans le cas du secret des affaires, pour le coup, je perdais, Stéphanie Guibaud perdait, hein, puisqu'elle a porté à la connaissance du public des informations qui pouvaient être considérées comme confidentielles, et notamment des campagnes de marketing, certes bidon, mais quand même, des campagnes de marketing de sa banque. Hein. Donc, aujourd'hui, la loi Macron est une loi dont cette volonté affichée, entre guillemets, de dépoussiérer le capitalisme français a en fait toutes sortes de conséquences. Et la question du secret des affaires est une loi, si elle est adoptée, qui va porter là gravement atteinte à la fois à la possibilité des lanceurs d'alerte dans telle ou telle entreprise de dénoncer telle ou telle turpitude, et qui va surtout empêcher et limiter la liberté d'expression des journalistes, là encore. Hein. C'est-à-dire que moi, évidemment, si je fais une enquête sur le groupe Dassault, par exemple, l'histoire très très très amusante, puisque c'est arrivé à un de mes amis qui travaille à Marianne, sur comment on a essayé d'imposer Monsieur Proglio à la tête de Thalès, qui est une entreprise extrêmement importante du lobby militaro-industriel en France. Bon, il a eu un certain nombre de sources d'informations direct et indirect, sur cette affaire qu'il a publiée dans Marianne. Si la loi sur le secret des affaires avait été appliquée, Proglio aurait pu faire bloquer le journal avant même sa sortie, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle un référé heure par heure. Hein. Que, pour l'instant, le référé heure par heure n'a existé dans la presse française que deux ou trois fois, notamment sur Pasqua, une fois, qui a utilisé un référé heure par heure contre, je ne sais plus, c'était Charlie Hebdo ou Harakiri Hebdo à l'époque, donc vous voyez, c'est quand même très peu fréquent, et deux, trois fois dans des affaires de gangstérisme ou de choses comme ça, hein, où des gens se sont considérés comme gravement mis en cause. J'exclus évidemment des référés heure par heure pour la presse, tous les référés heure par heure de photos people, puisque là... ça existe presque toutes les semaines, Catherine Deneuve, enfin pas, pauvre Catherine Deneuve, non, c'est pas un bon exemple, enfin, Carla Bruni plutôt que Catherine Deneuve, fait régulièrement des référés heure par heure. Donc oui, la loi sur le secret des affaires est quand même, là encore, une menace indirecte. Alors, il faut mettre les choses dans le bon ordre, hein, c'est-à-dire que pour moi, c'est la loi sur le renseignement intérieur qui est quand même la loi probablement... la plus grave qu'a jamais fait voter un gouvernement socialiste depuis le temps qu'il y a des gouvernements socialistes en France, c'est-à-dire depuis 1980, avec des périodes où il n'y a pas de gouvernement socialiste. Mais je considère que de la part du gouvernement actuel, oui, c'est une loi qui est quand même une loi fondamentalement liberticide et donc fondamentalement défense dangereuse pour tous ceux qui, comme nous, voulons défendre la liberté d'expression.